J'aime pas la vie, c'est clair. Je veux la mente, tandis que ma vie c'est clair. Cartésien, je suis pas le mec qui dans une rue vide, c'est clair. Ma vie est hard, je me prends pas pour l'avocat du diable. Car les anges à la poire sont corrompus par l'avocat du diable. Je transperce la nuit, je me déplace seulement à Yep. Je passe des nuits en enfer, mais j'ai jamais vu Selma Hayek. La haine m'embrasse quand ému, je vois l'espoir violer mon subconscient. Dire qu'au début, je voulais rendre le rap de ma banlieue sud conscient. Je me fais la belle, vu que chez moi, la solitude m'enferme. J'avance sur l'asphalte, l'inconscience ne dit de ne pas m'en faire. Le mal attise le feu avec son souffle, alors évite de brise. Les étoiles pleurent en vain, les gosses paumés chaque fois que les vides se brisent. Le regard sombre qui reflète une atmosphère nocturne. Ça attend pas que le jour se lève pour fructifier nos thunes. La lune sourit, à certains endroits le ciel devient gris noir. La nuit m'inspire pour certains, mon cahier de rimes se change en gris noir. La nuit, le crépuscule nous plonge dans une contrée inexplorée, où se côtoie le clair et le sombre, et là où le soleil se cache pour pleurer. C'est sa tristesse qui donne au ciel cette espèce de contraste. Dans sa main à la nuit qui accueillera à bras ouverts les astres. L'insomnie pour cela mis à travers cette nuit blanche. Le vent qui souffle dehors vient peut-être l'océan, comme dit Michel Branche. Peut-être d'ailleurs du paradis, alors faut pas s'en faire. Les peurs transpercent la nuit en côtoyant intimement les enfers. Posé sur le banc, je mate le plafond céleste, le temps défile. Point de gyrophare, le vice évite, les plafonds, le temps défile. Je vis la nuit, tout comme ma plume, je reste pas à fixer la une. Je respire grâce à l'inspire, je veux voir mes écrits asphyxier la lune. La nuit, c'est le seul moment où ma vie peut montrer son vrai visage. Et quand le jour se lève, elle s'efforce de redevenir une fille sage. Le diable se cache partout, quand je regarde le ciel, la brumerie. À chaque main que je serre, c'est peut-être celle du nouveau Maxime Brunerie. Mon pouce s'accélère, mais je sais même pas ce que cette vie me laisse croire. Je me vois pas prendre une paye et poire et noyer l'espoir dans l'espoir. J'ai pas de genre, à ce torse-ci la lune forme un croissant sec. J'ai pas le mental mais le vice est désaccentué par un 307. La vie c'est rude, mais ça peut pas être pire qu'au Panama. Tout met son reflet, toutes les blessures que la banlieue de Panama. Mon pic c'est la menace, ça pousse à croire qu'un mec inutile d'ivresse. Les écrits insomniaques, l'inspire évolue dans cette nuit d'ivresse. La nuit, le crépuscule nous plonge dans une contrée inexplorée, où se côtoie le clair et le sombre, et là où le soleil se cache pour pleurer. C'est sa tristesse qui donne au ciel cette espèce de contraste. Dans sa main à la nuit qui accueillera à bras ouverts les astres. L'insomnie pour cela mis à travers cette nuit blanche. Le vent qui souffle dehors vient peut-être l'océan, comme dit Michel Branche. Peut-être d'ailleurs du paradis, alors faut pas s'en faire. Les peurs transpercent la nuit en côtoyant intimement les enfers. Sauce braqueur, neuf instants, terre, terre, mon pote. Maybe this wind.